Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter RKS. Je suis actuellement avec Farida, qui est présidente de la passerelle des âges du côté du pont de Clé. Bonjour Farida. Bonjour Maxime, merci à RKS de m'accueillir au téléphone. Eh bien, il n'y a pas de souci Farida, c'est un grand plaisir de vous avoir à l'antenne. Alors justement, on va parler ensemble de cette conférence qui va être organisée le 28 mars à partir de 13h30 du côté de la Maison des Associations du pont de Clé et qui va porter sur la polyarthrite rhumatoïde. Alors justement, Farida, c'est quoi exactement cette polyarthrite rhumatoïde ? Alors, la polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune qui attaque les articulations et les organes. Pour avoir plus d'explications, je vous invite à participer à cette conférence qui sera animée par un ostéopathe, une infirmière, une psychomotricienne, une rhumatologue et un kinésithérapeute. Pour pouvoir participer donc à cette conférence, n'hésitez pas à vous inscrire à passerelledesages@gmail.com. Eh bien, merci beaucoup Farida. On rappelle, la conférence sur la polyarthrite rhumatoïde, ça se tiendra donc le 28 mars à partir de 13h30 du côté de la Maison des Associations de Pont-de-Clé. À bientôt Farida. Merci Maxime, merci RKS.